السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد الدرس خاص بما يتعلق النساء في هذا الشرع المبارك، يعني فيما يتعلق بأحكام النساء في هذا الشرع المبارك. فأقرأ بعض الكلمات باللغة الفرنسية لأن هذا الكتاب أولا باللغة الفرنسية، يعني بالنسبة ما يتعلق بالنساء. علما بأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc nous allons voir ensemble donc quelques rites, c'est-à-dire ce qui a trait aux règles religieuses vis-à-vis des femmes pendant le mois du Ramadan. Et on sait que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les femmes sont équivalentes aux hommes. يعني في العبادات هي شقائق الرجال في العبادات. Donc elles sont en réalité équivalentes aux hommes par rapport à l'adoration. Donc la femme musulmane pieuse observe le jeûne pendant le mois du Ramadan en ayant foi profonde que quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi sincère et en laisse comptant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il n'y a pas de mal à إيماناً واحتساباً حتى تغفر ذنوبهم المتقدمة. Et durant son jeûne, elle conforme ou elle se conforme à la conduite que doit observer tout croyant. Elle protège ses paroles, son regard, ses gestes de tout ce qui est susceptible de perturber son jeûne ou diminuer sa rétribution. Si toutefois elle se sent tentée par une querelle, une dispute haineuse ou une vocifération, elle adopte la conduite recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux et celles qui observent le jeûne. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous observe le jeûne, qu'il s'abstienne de proférer des obscénités et de vociférer. Si toutefois quelqu'un l'injure ou l'agresse, l'injurie ou l'agresse, qu'il lui réponde j'observe le jeûne, j'observe le jeûne. Il a dit alal mar'a antamsik nafsaha. من الأكل والشرح وكذلك من الكلمات التي إما تبطل الصيام أو إما تنقص أو تنقص الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا شتمنا الشخص أو إذا أراد أن يضربنا الشخص أن نقول إني صائم إني صائم. Donc celui qui ne renonce ni au mensonge ni à appliquer ce qui en découle, Allah n'a aucun besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Yani Allah dit la yatruk qawl az-zur aw al-amal bihi fa laysa lil haja an yata'amahu wa sharabahu. Wa hadha hadith min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui en réalité ne se retient pas, hein, c'est-à-dire par le fait de parler mauvaisement ou le fait de faire de mauvaises actions, il y a les zol, c'est-à-dire on a toutes les mauvaises actions. Donc il n'y a pas besoin en vérité qu'il jeûne. S'il fait de mauvaises actions et s'il ment sur les gens, et si donc il critique les gens, pourquoi il jeûne? À quoi ça sert? Parce que jeûner, cela ne s'arrête pas juste à s'abstenir de manger ou de boire, mais c'est aussi al imsek, al-riba. Donc pendant la période du mois du Ramadan, la femme musulmane avertie doit prendre conscience qu'il s'agit d'un mois qui se distingue des autres. Un mois où la rétribution pour les bonnes œuvres est multipliée et les portes du bien sont ouvertes. Un mois où le jeûne est destiné exclusivement à Allah et lui seul en récompense. Or les récompenses d'Allah, le suffisant à lui-même, le bienfaiteur, le tout donateur, sont si vastes et si multiples qu'aucune imagination ne peut les concevoir. على المرأة كذلك أن تعرف أن هذا الشهر يعني شهر خاص لله سبحانه وتعالى، خاص لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي به سبحانه وتعالى. والجزاء يعني لا يتصور الشخص، لا نستطيع أن نتصور هذا الجزاء. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Toute bonne action de la part de l'homme est multipliée en récompense. Ainsi, la bonne action sera décuplée et pourra être même atteindre 700 multiples. Allah, exalté soit-il, a dit « Hormis le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en récompense. Pour me satisfaire, il renonce à ses passions, à boire et à manger. » Le jeûne est une protection. Le jeûneur éprouve la joie en deux circonstances, quand il rompt son jeûne et quand il rencontre son Seigneur. Certes, la laine qui se dégage de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Par conséquent, il est recommandé à la femme musulmane avertie de trouver, durant le ramadan, le compromis entre ses tâches ménagères et la nécessité de consacrer des moments aux pratiques cultuelles ainsi qu'à toutes les œuvres qui la rapprochent d'Allah. Les tâches ménagères ne doivent aucunement la détourner de l'accomplissement des prières prescrites en leur temps, des prières surérogatoires et de la récitation du Coran. عليها أن تضع وقت أن تخلي وقت معين للعبادة أما كمان وقت الصلاة معروف وكذلك وقت لقراءة القرآن مثلا المعروف أن المرأة في رمضان تصنع من الأكل الشربة والحريرة والأشياء الأخرى لكن عليها أن تستفيد من وقت الفارغ حتى تعبد الله سبحانه وتعالى لأن شهر رمضان ليس شهر يعني للنساء في المطبخ فقط وليس شعر المطبخ للنساء وإنما الشعر يعني التي تستفيد حتى هي من العبادة والعبادة ليست خاصة بالرجال فقط Il en est de même pour les soirées familiales. Elles ne doivent pas la distraire de la prière nocturne ou de l'invocation, car elle connaît parfaitement l'abondante rétribution et le vaste pardon qu'Allah a réservé à ceux et celles qui accomplissent sa prière nocturne en ce mois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque observe la prière nocturne durant le ramadan avec foi sincère et en laisse comptant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Tel fut le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du ramadan. Il s'appliquait plus qu'en d'autres temps à multiplier les bonnes œuvres, notamment dans la dernière décade de ce mois, c'est-à-dire les 10 derniers jours. On rapporte que Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit « Le messager d'Allah » sallallahu alayhi wa sallam, s'évertuer à accomplir les pratiques culturelles durant la dernière décade de Ramadan plus qu'en d'autres temps. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kan yukthir min al-ibada fi al-ashr al-awakhir fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Fa kan yukthir min al-ibadat sallallahu alayhi wa sallam kama akhbarat Aisha radhiyallahu ta'ala anha. On rapporte également qu'elle a dit quand les 10 dernières nuits du Ramadan commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les passait à prier. Il encourageait ses épouses à le suivre en les réveillant de nuit et s'évertuer à adorer Allah. Il est qu'un nabi ou sallallahu alayhi wa sallam fil ashr awakhir kana yani yaqdi al-waqt al-awqat fi as-salat wa kana yushajji' an-nisaa wa yuqidhu an-nisaa min an-nawm wa ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux croyants de s'enquérir de la nuit du destin et les exhortait à la passer en priant et en invoquant Allah et disait « Ancrez-vous de la nuit du destin durant la dernière décade de Ramadan. » Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yabhath ma tazakun laylatul qadr. Laylatul qadr laysat ma'rufa bi dhatiha. Imma 20, 21, 22, 23, 24, 5, hatta akhir yawm من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شجعنا وحثنا على بحث عنها في الايام الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم nous a aussi incité et recommandé à les rechercher dans les nuits impaires. وقد ذكر يعني اكثر من الصحابي وممن جاء بعدهم ان كانت يعني في 27. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que c'était la nuit du 27. وقد تكون في 24 وقد تكون في 25 الله اعلم elle peut très bien changer. C'est jamais le même jour. C'est pas toujours le 27 au soir, après c'est tout. Ça peut être le 27. لماذا الناس الان كلهم يتون في المسجد خاصه ليله 27 لانهم يظنون ان هي ليله القدر فقط Beaucoup de gens maintenant ne viennent que le 27. Vous pouvez venir, la mosquée sera remplie. Il y aura énormément de monde la nuit du 27, car certains pensent que c'est que cette nuit. Ça peut être cette nuit, mais ça peut être d'autres nuits aussi. Quand tu es là, quand tu es là. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها وكلما رأى رجلان يتخاصمان نسيا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع quand est-ce qu'elle était et lorsqu'il a vu deux hommes se disputer il a oublié فقالوا العلماء يعني تخاصم بين الناس سبب نسيان الناس البركة donc les ulama par rapport à ce hadith ils ont dit que le fait que les gens se disputent c'est une cause pour la baraka, pour que la baraka disparaisse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien de ça. Allah a dit qu'il n'y a rien de ça. Quand ça peut être un jour, il y a un jour, il y a un jour. Mais là, le professeur ne s'est jamais revenu. Car Allah l'a enlevé complètement. Ce n'est pas juste un petit oubli. Allah l'a enlevé du fait que les gens se disputent. Donc il ne méritait pas cette baraka. De savoir exactement quel est le jour. Et aussi, parmi les hikmah, afin qu'on recherche en vérité ce jour. Donc ça c'est une cause, le fait que les gens se disputent. Donc ce mois béni représente une période exclusive au culte. En l'occurrence, il n'est pas convenable pour une musulmane sérieuse de passer ses nuits à se divertir et à veiller vainement et longuement. Puis vers l'aube, quand le sommeil envahit ses membres, donc les membres de sa famille, elle leur donne à manger, puis les laisser sombrer ensuite dans un sommeil profond qui les empêcherait même de se lever pour accomplir la prière du Fajr. Donc bien sûr, elle va donc se reposer et aussi veiller. Donc il y a un mot qui dit que c'est très bien. Allez, il y a un temps à tout salir. Il est souple maintenant, c'est une sorte de salat al-fajr. Tu vois, tiens. Bad, le souhur. Bad, le souhur. Bad, le nez, il y a un mot. Ou à sa salita. Il y a un stade qui donne. Il y a un peu une année. Moustère qui donne. Ou à sa salita. Mathan salita. في الليل ماذا يفعل؟ ينام فذهب عنه صلاة الصبح ذهب عنه صلاة الصبح لأن الصعب الذي ينام صلاة الثالثة أو الثالثة ونفس أن يستيقظ صلاة الخامسة صعب donc des fois des gens vont veiller et vont dormir pas beaucoup avant soupe et ça c'est une erreur parce que généralement ils n'arrivent pas à se lever parce que le sommeil devient à ce moment là lourd et il est difficile de façon générale de se lever si on commence à s'endormir une heure ou deux heures avant soupe ou on ne dort pas ou on dort avant et on se réveille avant. Donc si la femme est à la maison, elle dort, par de l'Aïcha par exemple, et elle se lève. Donc le dernier tiers, pardon, de la nuit, ou ainsi de suite. Si elle n'est pas venue à la mosquée par exemple, elle va venir donc prier chez elle. Elle va pas avoir prié chez elle, mais elle le prie par exemple le dernier tiers. Au moins on sait qu'elle aura non seulement le dernier tiers, mais en plus elle aura aussi la prière du soubh à l'heure, Inch'Allah. Ou bien au contraire, elle doit donc s'évertuer avec sa famille à suivre pendant ce mois le mode de vie islamique pendant ce mois. Elle doit organiser ses soirées de sorte que son époux et ses enfants ne veillent pas longtemps après la prière. C'est la prière après la post-Tarawih. Tarawih, il y a un soumiyat Tarawih, une raha. Quand un nabi ou sallam, quand il yusalli, yassarih, yusalli, yassarih, yusalli, yassarih, hatta wa salam ila kubel al-subh. Akala kana yafhalu un nabi sallam, taman. Kana salatuhu tawira jiddan. C'est pour ça qu'on appelle Tarawih. Le mot qui vient en vérité de la pause. Raha, du repos. Car il priait sans cesse de Raha, il délaissait. Il priait, il se reposait. Il priait, il se reposait. Taban, nous, l'ansab, le messager, nous sommes à l'imam, hatta yansarif. Maintenant, il est difficile de faire exactement comme le faisait le prophète sans cesse vis-à-vis de la force, vis-à-vis aussi de la conviction. Donc, on prie des prières qui sont plus courtes et on prie avec l'imam. Mais celui qui est capable de faire ça à sa maison, qu'il le peut, qu'il le fait, qu'il le fasse, ma fille, je t'aime. Il est en train de أن يصلي هكذا في البيت فليفعل celui qui est capable de le faire à sa maison بسم الله il le fait il n'y a aucun problème pour ça au contraire c'est une sunna donc après quelques heures ils auront à se lever pour accomplir la prière nocturne puis pendant le repas de avant l'aube un suhur dont les bienfaits sont multiples et au sujet duquel un nabi il a dit donc prenez le repas avant l'aube car une bénédiction y est attachée hein, donc car une bénédiction y est attachée il y a un suhur حث علينا وحث لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اتخاذ السحور لأن فيه بركة والعلماء قالوا بنسبة البركة أن الشخص يتقوى بالأكل في الصباح يتقوى فهو يستطيع أن يعبد الله عز وجل في النهار يتقوى في يعني في الصباح وهو يستطيع أن يعبد الله عز وجل في النهار. أما الذي ما أكل يتعب أكثر، ما شرب قهوة وما أكل وما فعل وما فعل، يجي يعني من الصعوبة من التعب، خاصة إذا ما شرب الماء مثلا، إذا ما شرب الماء قبل مثلا الصبح. Donc il y a une baraka, les savants ils ont dit par rapport à la baraka, la bénédiction, c'est qu'en réalité, ce que tu vas manger le matin va te renforcer, va te donner des forces pour tenir la journée. Mais généralement, on remarque ça, si on rate le suhoor, si on ne fait pas le suhoor, on n'a pas une journée aussi facile. On n'aura pas une journée aussi facile que l'autre. Donc là, tu as déjà plus de baraka. Pourquoi il y a de la baraka? Parce que justement, lui, il va réussir. La baraka, c'est le fait que ce qu'il a fait, ça l'aide à mieux adorer. Ça l'aide en vérité à quoi? À avoir les forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément aux recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la musulmane consciencieuse aide les membres de sa famille à se lever pour le repas d'avant l'homme. Les réveillés à ce moment réalisent donc en effet plusieurs objectifs, dont le rappel de la prière nocturne, retrouver leur dynamisme pour aller accomplir la prière du Fajr en commun, et bien évidemment nourrir leur corps pour pouvoir supporter le jeûne. Vous voyez ici, il explique. فمن البركة طبعا المرأة تفكر حتى يعني أولا يستيقظون للصلاة مثلا الليل قيام الليل ثم السحور ثم صلاة الفجر وطبعا مع الجماعة هذا الأفضل وكذلك يتقوون لأداء العبادة في هذا اليوم. Et d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait et habituait ses compagnons à le faire. كان يعتاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويشجع أصحابه لذلك. On rapporte que Zayd ibn Thabit radhiyallahu anhu a dit: j'ai pris le repas d'avant l'aube en compagnie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous nous sommes levés pour accomplir la prière de Fajr. فهو أخذ وأكل يعني السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني قاموا وذهبوا إلى صلاة الفجر. Donc quel était l'intervalle de temps entre le repas d'avant l'aube et la prière, lui demande-t-on. Le temps de réciter 50 versets, répondit-il. An il-imsek. Ou al-imsek, laisse à chier, yani, muhaddad wa ajib. L'état comme un fan, bad il-imsek, id-ashrib fa intar, yani, qatat. As-siyam, laisse à bisahir. Ou innam as-siyam, yakun, min al-maghrib, hein, yani, yajouz, antakula min al-maghrib, hatta adhan al-subh. Amma ad al-imsek, adhi aada. فكانوا يتركون تقريبا يعني حوالي ينتقل الوقت حوالي 50 آية حتى يذهبوا لكي يتوضأوا ويذهبوا ماشيين إلى المسجد. فهذا معنى وليس معنى يجب علينا أن نمسك عن الطعام يعني بحدود 50 آية. Donc en réalité, l'imsek ici, ça ne veut pas dire que lorsqu'on va dans le cadre de l'imsek, on est obligé de s'arrêter à l'imsek. On doit s'arrêter au soubh. Ce n'est pas un imsek. L'imsek, en vérité, c'est recommandé, parce que le prophète s'en a fait, les compagnons l'ont fait, mais pas obligatoirement, ils ne l'ont pas fait par obligation. Ils l'ont fait par le fait qu'après avoir mangé, ils allaient faire leurs besoins. On sait comment ça se passait dehors, c'est le fada. Ils allaient faire besoin dans le désert, ils faisaient leurs ablutions, et après aller à la mosquée. Donc ils laissaient un certain temps, tout simplement, naturellement, mais pas obligatoirement. C'est tout simplement, en vérité, ad, et c'est pas yani fard. Donc celui qui verrait par le calendrier imsek, par exemple la prière à 5h25 par exemple, il verrait imsek par exemple 5h-5, et lui il boit à 5h, il ne faut pas qu'il se dise j'ai raté mon jeûne là, tu t'arrêtes jusque, quand est-ce, jusqu'au fajr. Hatta yatabayyan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Et ça c'est quoi le khayt al-abyad? C'est la lueur du fajr. Al-khayt al-abyad c'est quoi? C'est waqt al-fajr. Dans le Coran, Allah il dit bien que c'est le fajr. Al-khayt al-abyad. La lueur blanche, même à l'al-fajr. Al-thani. Al-sadiq, c'est justement qu'il y ait la lueur blanche qui est à l'horizon. Donc elle est à l'horizon, et elle comprend toute l'horizon, elle est lueur blanche, et on sait qu'après cela, la journée va venir. Et c'est ça, c'est ça le moment du fajr. C'est à ce moment-là. Donc l'imsek, c'est pas une chose qui est obligatoire. Alors si tu manges juste après, tu as annulé ton jeûne. Alhamdulillah, Allah azzawajal n'a justement pas rendu cette chose difficile. Le jeûne est toujours valable. Le jeûne est toujours valable. Ce qui compte, c'est d'arrêter au moment de l'Aden. Il y a l'Aden, là, à ce moment-là, c'est clair, on arrête. De la même façon que le Maghreb. C'est du Maghreb au soubh. Et c'est pas du Maghreb à l'Imsek. Donc l'Imsek qu'on a dit, donc c'était 50 versets à peu près, afin qu'on sache comment les gens faisaient par coutume, par habitude. Donc quand l'enfant croyant contribue à la rétribution de tous ses objectifs, bénéfiques pour les membres de sa famille, il n'y a aucun doute qu'Allah lui réservera les meilleures récompenses. Allah, bien sûr, va lui réserver donc les meilleures récompenses. Mar'a allati arafat annahiya tattaqu li zawjiha wa awladiha wa li baytiha wa kadhalika tusalli wa tasum wa tafhal amin al-khayrat Allah azza wa jalla jaziha bi ahsani al-jaza. Donc il est clair qu'elle aura une énorme récompense. Parce que non seulement en plus, celle qui s'occupe dessous de la nourriture que tu vas manger pendant le ramadan, donc elle a beaucoup de récompenses par rapport à ce qu'elle fait lors de l'épouse. Donc ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres verront que nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait du bien. Non. Donc ça, donc il ne va pas en vérité donc faire perdre la récompense en vérité de ceux qui font du bien. Donc ça c'était vis-à-vis de certains principes. وبعض الأحكام مما يتعلق المرأة المسلمة في شهر رمضان كذلك خاصة الحائض والنفساء On sait que les femmes, donc elles ont les menstrues, elles ont les logis. Et on ne trouve pas ça justement chez l'homme. Donc il y aura des règles qui vont être spécifiques à la femme. وعادة الناس يسألونها عنها كثيرا في رمضان في الحج وفي الصلاة. Généralement, on trouve ça justement par rapport à la prière, par rapport au Hajj et par rapport au mois du Ramadan. فطبعا على الحائض والنفاس أن تفطر وقت الحيض والنفاس ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس ولا يصحان منهما وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة. Donc bien sûr, la femme qui a ses menstrues et ses logis, elle devra donc manger ce jour pendant le mois du Ramadan, donc lorsqu'elle a ses menstrues et ses logis. Il est interdit pour elle donc de jeûner ou de prier lorsqu'elle a donc son état de menstrues et des logis. إذا كان حائضة هي تمام تفطر لا تصوم حتى لا تصلي même si elle le faisait ça serait pas valable ولو فعلتها يعني لا تصح même si elle faisait en vérité ces choses là ce sera interdit pour ça sera que le hal interdit وعليها القضاء elle devra rattraper donc le jeûne mais pas la prière لماذا فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc on a questionné Aïcha, سئلت عائشة رضي الله عنها. On questionne Aïcha, est-ce que la femme donc rattrape donc son jeûne et sa prière? Elle a répondu, on a été ordonné de rattraper donc le jeûne, mais pas la prière. وهذا بالإجماع إجماع العلماء. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لو كانت المرأة عليها أن تقضي الصلاة لتعبت لأن الصلاة يعني عدة صلوات خاصة في اليوم لو كان هكذا لقادت يعني مثلا خمسة ستة أيام شهر يعني في النفاس و فتتعب في قضاء الصلاة donc en réalité la femme si elle devait à chaque fois récupérer ses prières ça serait difficile pour elle أما الصوم يعني أسهل le jeûne c'est plus facile لأن يعني الصوم يقول مثلا يوم واحد أيام قليلة ولها السنة كاملة أو لها أكثر من ذلك لقضاء هذا الصوم et la femme ici si elle devait rattraper un, deux, trois ou quelques jours c'est plus facile pour elle de les rattraper en plus elle a le temps pour le faire mais la prière ça ne se rattrape pas وكذلك يعني إذا ظهرت الحائض في أثناء النهار أو النفاس يعني طهرت الحائض مثلا عندك لابس elle était donc en état de d'impureté كانت يعني في وقت الحيض أو في وقت النفاس فطهرت يعني مثلا يعني أثناء النهار في رمضان en pleine journée pendant le mois de Ramadan ماذا تفعل تغتسل تصلي وتصوم لكن ستقضي هذا اليوم مثلا يعني طهرت مثلا وقت الظهر تغتسلي تصلي الظهر وتبدا الصوم مع ان حتى تدخل مع المسلمين في الصيام مع ان هذا الصوم في هذا اليوم يعني لا يزيد عنها بنسبه الفرض يعني عليها يعني تاخذ الحسنات هي ان شاء الله الحسنات مقبوله لكن عليها ان تقضي لانها ما بدات من الصبح Donc si maintenant la femme qui avait les menstrues et les logis, maintenant donc elle devenait pure à l'heure du dhuhr par exemple, ou n'importe quand dans la journée, il est clair qu'elle va se lever, donc elle va faire la grande ablution, la douche, elle va prier, donc dès qu'il y aura l'heure de la prière, elle va prier, donc elle arrive au moment du dhuhr par exemple, elle va prier le dhuhr, et elle va commencer le jeûne. Mais ça, simplement c'est un jeûne qu'elle devra rattraper. Parce qu'elle n'a pas commencé à perdre le souffle. Mais elle le fait, mais elle aura quand même la récompense d'avoir jeûné avec les gens, afin de rester avec les musulmans. Alors, pas faire justement cette contradiction. Parce qu'elle est dans l'état de pureté. On va l'avoir prié, mais on ne va pas l'avoir mangé. On va l'avoir prié et mangé plutôt. Et on ne va pas l'avoir justement jeûné plutôt. Donc, justement, elle va faire ce que les musulmans font. Elle rattrape le jour, parce que c'est normal le fait qu'elle n'a pas commencé des souffles. Mais elle a la récompense, elle aura une récompense, alhamdulillah, elle aura une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ra'at mathalan shay'an ba'd al-tuhr, ça arrive à des femmes aussi, c'est que des fois donc elle est en état de pureté. Et un petit peu après, quelques heures après quoi, elle revoit. Donc il y a encore des pertes de sang ou quoi. Donc à ce moment-là, la taltafit ila hada. Le fait qu'elle est rentrée dans cette période de pureté, même si le sang est venu après, elle a donné un fasid. Voilà, il y a un tabal haïd. Le haïd, il y a un waq mouayyan. Il y a un bon nifas, il y a un hasam al nisa. Il y a un tawlat. Il y a un tawlat caché. Fahada, la taltafit ou ali. Elle ne prête pas attention parce que ça arrive que des fois, il y a des pertes blanches ou bien même un peu de sang, bien un mélange de sang. Et ça ne rentre plus dans, ni dans les logis ni dans les menstrues parce qu'elle est en état de pureté. Alors, ce qui va venir après, elle va juste s'enlever. Et elle tartasse le fakat. Du ma'na, yani, elle va donc mettre une protection, elle fera ses ablutions. Tatawadda, yani, qable salat fakat. Elle se nettoie juste avant la prière et elle prie. Elle prie normalement. Wa kazalika hunaka yani hadith an Umm Atiya radhiyallahu anha qala yani kunna la na'ud qadra wa safra ba'da tuhur shay'an. Yani la taltafit yani la naltafit ila zalik. La naltafitu ila zalika. Donc elle disait, on ne prêtait pas attention à ce qadr, c'est-à-dire la pureté qui venait après cela, ou bien donc aussi quelque chose qui était donc jaunâtre, donc un liquide jaunâtre après la pureté, on ne considérait pas cela. Il y en a comme une nissa la tout salé, par la zarika. Il y en a chassadin par le idaja un nifas, par le nes, la tout salé arbaïn, ou qadhiya, chras wassalat ila, mafran ila tour, par la rishrin, yo. إنما الأربعين هذا أقصى شيء وليس معنى أربعين أقل شيء إنما هو أقصى شيء وليس أقل شيء أقل يوم فالمرأة عليها بعد النفاس إذا طهرت ولو بعد خمسة أيام عليها أن تصلي لأنها طهرت دونك دي فوا لي جون يديس أربعين صح أربعون بمعنى يا حديث دوسو بمعنى هو أقصى شيء سواء غايتي لا ليميت ماكسيمال بارابور طهور باسكو غايتي سي سون لا فام شاكان أورا لي مونسكو لي لوشيك ألا C'est pas, mais si les logis continuent, même si les logis duraient 6 mois, par exemple, on va dire 50 jours, après les 40 jours, il est obligatoire pour elle de prier. Après les 40 jours. Mais si elle est en état de pureté avant ça, au bout de 32 jours, 27 jours, même 12 jours, et bien à ce moment-là, elle devra prier. Parce qu'elle est devenue pure. Elle, parce que des fois, la femme, elle est pure, et elle attend 40. Elle dit, j'ai pas le droit de prier qu'après 40. C'est pas vrai, ça. Pourquoi Allah il va t'interdire la prière puisque tu es en état de pureté? Allah il t'ordonne la prière parce que tu es en état de pureté, mais tu ne l'interdis pas, c'est pas vrai. Mais simplement, les 40 jours, ils sont venus en quoi? En période maximale. Mais maintenant, si maintenant la personne aurait eu 45 jours de menstrue, elle, de logis, elle, après les 40 jours, il faut qu'elle prie. Après les 40 jours, il faut qu'elle prie parce que c'est considéré après les 40 jours comme de l'impureté. C'est plus considéré comme des logis. Après 40 jours, c'est la limite maximale qu'a délimité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, il y a des gens qui font le contraire, simplement. Ils font justement 10-40 jours, même là où salé. Là où salé 40 jours, alors qu'elle est en état de quoi? De pureté. Elle doit prier. Normalement, elle va faire quoi? Elle va prier. حكم نسبي. أما النسبة النفساء فإذا كانت انقطاع دمها قبل 40 ثم اغتسلت ثم عاد إليها الشيء فإنها تعتبر النفساء. وهذا الذي عاد يعني يعتبر من النفساء يصح معه الصوم ولا الصلاة ما دام موجودا، لأنه عاد في فترة النفاس. Spécialement, sauf que si ça revient, donc c'est par rapport au menstru. Mais si c'était, si elle était en état de pureté pendant la période du nifes, pendant la période des 4 jours, et l'impureté revient et qu'elle reste et que ça se voit que c'est nifes, donc ça, elle revient en vérité dans quoi? Dans ce qu'on appelle le nifes. وكذلك إذا جاء الحيض على كل حال قبل الغروب حتى بدقيقتين فعليها أن تعيد اليوم الذي صامت. Mais imaginez la femme donc, qui viendrait avoir les menstrues et les louchis, même 2 minutes avant le Maghreb. Elle a jeûné presque la journée, pas jeûné la journée complète. Il lui manque le temps d'arriver au Maghreb. Même 2 ou 3 minutes, quelques temps. C'est-à-dire un temps qui est très court. Et bien son jeûne ne sera pas compté. Elle sera récompensée, alhamdulillah. Mais elle devra quand même récupérer ce jour-là, car les menstrues ou bien les louchis donc, ils sont venus en vérité avant. Avant quoi? Avant l'heure du Maghreb. Donc sa journée en vérité, elle n'est plus comptée. Elle n'est plus comptée. مثل الفتاة يعني بنت صغيرة وقد أتاها الحيض يعني وهي صغيرة ممكن 11 يعني في السنة يعني 11 من عمرها، فهي طبعا إن استطاعت يعني الصيام وهي ضعيفة يعني مريضة، فإن استطاعت يعني الصيام وجب عليها أداؤها في الوقت، وإذا عجزت أو نالها ما هو مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من أيام عند القدرة على ذلك. Des fois, ça peut arriver que des gens ont les menstrues jeunes. Il y a des gens qui l'ont dans l'âge de 10 ans, 11 ans. Et pour elle, c'est très difficile de jeûner. Ou parce qu'elle est malade, elle est faible, ou parce qu'en fait, c'est trop difficile pour elle. Donc, s'il lui sera permis, en vérité, si elle est capable de le faire, elle jeûne, parce que c'est une obligation pour elle. Et si elle n'est pas capable, elle va donc rattraper ses jours au moment où elle sera plus en forme, au moment où elle, elle sera capable. Elle rattrapera les jours qu'elle va manquer. Elle aura le droit, elle, de faire donc l'iftar vis-à-vis de cela. حتى إذا نامت المرأة مثلا نامت المرأة وهي حائض وهي تظن أن الحيض يكون مستمر يعني في اليوم الذي بعد، فهي ما استيقظت للسحور لأنها يعني غلب على ظنها أنها يعني حائضة. Donc une femme ici qui a les menstrues, elle a dormi et elle s'imagine que ça continue, c'est donc son vêtement, ses menstrues vont continuer. Alors elle n'a pas pris la peine de se réveiller par rapport au soubh ou suhur et elle s'est endormie. Voilà ma istayqadat wa jadat anna yani anna tahurat. Lorsqu'elle se réveille, elle se rencontre, imaginez 7h, 8h, 9h du matin, elle se rencontre qu'en vérité qu'elle a justement, hein, donc qu'elle a en vérité qui est en état de pureté. Faire attention. Donc en vérité, qu'est-ce qu'elle doit faire ici? Elle doit normalement jeûner. Elle devra jeûner. Elle, si elle le fait après soubh, elle devra jeûner. Comme elle a commencé en retard et qu'elle n'a pas eu l'intention de le faire la veille, elle devra quand même jeûner et récupérer ce jour-là. Mais si elle s'est levée juste avant soubh, hein, elle va jeûner. Même si elle ne s'est pas encore lavée. Imaginez-vous, elle s'est réveillée 2 minutes avant soubh. Elle est en état d'impureté. Parce qu'elle a ses louchis ou elle a ses menstrues. Elle se lève 2 minutes avant l'aden. Elle devra démarrer son jeûne. Même si elle démarre son jeûne en état d'impureté. L'état d'impureté, c'est pas quelque chose qui vient annuler le fait de démarrer le jeûne. Dans le sens où, comme la janaba, par exemple. Parce qu'elle, maintenant, elle est devenue pure, mais dans le sens, elle doit quand même se laver. Quand je dis l'état d'impureté, dans le sens, c'était par rapport à ses règles d'auparavant. Donc, elle a eu ses règles. Elle se réveille 2 minutes avant soubh. Elle se rend compte qu'il n'y a plus rien. Elle devra donc... Quoi faire quoi? Elle devra commencer le jeûne, puis elle va se laver et elle va prier. puis elle va se laver et elle va prier. Mais elle devra obligatoirement commencer le jeûne. Qu'elle ne se dise pas, j'ai pas le droit de commencer mon jeûne parce que je ne suis pas encore prête, parce que je ne me suis pas lavée. Non. Elle va commencer son jeûne et après elle va laver. Parce que ça, elle est devenue en état de pureté. Donc le jeûne, il devient quoi pour elle obligatoire. Malgré que quoi, elle ne s'est pas encore lavée, elle ne s'est pas encore en vérité, elle n'a pas fait sa douche. Elle sera obligée donc en vérité de faire cela. Et un dalil. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. Il y a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Il se levait lui-même donc lorsqu'il était le moment du fajr venait, il était donc en état de janaba, donc en état de grande impureté. Et puis il se levait, il faisait sa douche après طلوع الفجر. Alors que le fajr était déjà passé, il faisait sa douche pour aller prier, il se lavait. C'est plusieurs questions qui se répètent, donc je passe un petit peu. Et sinon, il y a une femme qui donc... Elle jeûnait pendant le mois du Ramadan, et donc elle ne rattrapait pas les jours, elle ne rattrapait pas. Donc c'était pendant ses règles, pendant ses menstrues. Lorsqu'elle avait ses règles, elle ne rattrapait pas les jours de règles. Donc, car elle était ignorante du hukm, elle pensait que c'était comme la prière. Elle a cru le contraire, elle a cru que c'était comme la prière, elle ne rattrapait pas. Que doit-elle faire? Donc si c'est un tarq, yani qada, ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا إما يكون تهاونا فكلهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته يعني والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو لها أن يقبل الله عز وجل توبتها. Donc cette personne-là devra tout simplement essayer de se souvenir en vérité des jours manquants. Si elle sait qu'elle a fait ça pendant 3, 5, 7 ans, elle s'imagine, elle dit, ben moi mes règles, c'est 5 jours. À ce moment-là, le calcul est simple. 5 jours multiplié par 7. Elle a 35 jours à rattraper, par exemple. Et elle devra les rattraper et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle l'a fait par ignorance, donc l'ignorance, le musulman ne doit pas rester ignorant, parce que alhamdulillah, il sait que le ilm ça existe. Il sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il sait en réalité que l'islam explique les choses. Donc il faut qu'il pose la question. Et la guérison de l'ignorance, c'est la question. Innama shifa ul-ray as-su'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la guérison de l'ignorance, c'est la question. C'est-à-dire poser en vérité la question, tout simplement. Et si elle le faisait par délaissement, donc elle était distraite, elle faisait ça par délaissement, en ce moment-là, il faut qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a besoin en vérité de revenir vers Allah azzawajal par la crainte et de rattraper ces jours-là. En espérant qu'Allah azzawajal, bien sûr, va l'aider. Donc aussi par rapport à la femme qui jeûne. Donc si c'est par rapport à une femme donc, qui a allaité donc pendant 3 mois, donc le fait qu'elle allaitait, donc elle n'avait pas les menstrues. Donc elle ne lui venait pas en vérité ses menstrues après les 3 mois. Puis après, il y a du sang qui est venu un peu léger, d'un basset. Donc il est basset, tu vois. Il est léger pendant la nuit. Et il s'est arrêté pendant la journée. Elle a jeûné donc 2 jours. Donc c'est pendant le mois du Ramadan, elle a jeûné 2 jours. Puis le sang est revenu une autre fois. Et elle est venue, donc, c'est-à-dire comme si c'était les menstrues naturellement. Est-ce qu'il lui a permis de jeûner ou pas? Est-ce qu'à ce moment-là, à elle, il lui a permis de jeûner? Est-ce que ces jours-là ont été comptés ou pas? Est-ce qu'elle avait le droit? Donc si c'est le sang en vérité qui vient pendant la nuit, seulement comme ça, son jeûne, il est venu pendant la nuit, mais pas pendant la journée, donc son jeûne il est valable. Parce que ça peut arriver aussi que des fois, les gens ils ne sont pas réguliers. Il y a eu un peu de sang la nuit, après il n'y a eu plus rien dans la journée, donc son sang, son jeûne il reste valable. Parce qu'il y a des cas de figure chez les femmes. Donc son sang en vérité reste valable. Et le fait qu'il n'y a pas eu de trace de s'écouler de sang pendant les journées. Donc c'est normal qu'elle doit donc jeûner. Donc en ce moment, elle va jeûner par rapport à cela. Elle doit récupérer, elle doit donc jeûner. Et après, bien sûr, elle a dit que plus tard, c'est venu réellement ses règles. Donc ce qu'il y a eu la nuit, ce n'était pas considéré. C'était pas considéré. Aussi, est-ce qu'il est permis donc à la femme de prendre donc la pilule pendant le mois du Ramadan? Est-ce qu'il est permis à la femme de prendre la pilule pendant le mois du Ramadan ou pas? La réponse donc c'est يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. Il lui est permis à partir du moment que les médecins, des gens de confiance, disent que lui, en vérité, ces pilules ne vont pas en vérité lui causer du tort, ne vont pas en vérité être un tort pour elle. En ce moment-là, il lui est permis. ولا يؤثر على جهاز حملها. Et que cela en vérité ne vienne pas en vérité donc avoir une mauvaise influence sur le fait qu'elle puisse avoir des enfants et après donc son rahim. Mais en vérité, il est meilleur pour elle de ne pas prendre les pilules. C'est permis, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de rompre le jeûne lorsque les menstrues viennent pendant le mois du Ramadan. Et elle rattrapera. Et ça, c'est Allah qui a donné cette règle religieuse. Le fait que Allah a légiféré le fait qu'elle puisse manger et récupérer plus tard. Donc sinon, en cela, ce n'est pas interdit. C'est le même principe pour le Hajj. Donc il y a le même principe pour le Hajj, pour que les gens, surtout les femmes qui partent et qui ont des fois des voyages bien restreints, et elle sait qu'à ce moment-là, pendant les jours, justement les jours importants, où il y a les tawaf, elle va avoir ses menstrues. Donc certains là-bas, ils ont permis, justement, ici, donc c'est ici, c'est l'Ajna Daïma qui parle. Donc parmi eux, donc, Shir Roudéen, Shir Afifi, Shir Mebez et Abdel Menir. Donc c'est eux qui parlent ici par rapport à ça. C'est l'Ajna Daïma. Et ils ont aussi permis par rapport au fait de prendre la chouboub, donc pendant le Hajj, si maintenant la personne des fois elle connaît, elle est bien réglée, et elle sait que le moment du Hajj, ça va être, justement, ça va tomber juste par rapport au moment où elle doit, justement, elle va se retrouver, donc il y aura le 9, le 10, par exemple, le 11, vous voyez les jours du Hajj, le 8, tout ça. Donc là où il y a des tawaf, comment elle va faire sinon? Et des fois, peut-être elle le repartirait juste après. Quelques jours après, ça veut dire qu'elle risque d'être en état de pureté alors que son groupe sera parti, elle ne peut pas rester. Donc il y a des. À ce moment-là, il donne la permission. Donc la deuxième fatwa, c'est justement, elle tombe bien, parce qu'il parle du Hajj, donc, juste après. Il parle du Hajj. Donc ici, une femme qui s'est marié, Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a donné ici deux enfants, des jumeaux. Donc elle a terminé les 40 jours de menstrues. Et donc le 41e jour de menstrues tombe justement le 7 du Ramadan. Il est tombé donc le 7 du Ramadan. Et après le 40e jour, donc le sang il continue tout le temps à couler. Mais simplement le sang a changé de couleur. Il a changé de couleur déjà avant les 40 jours. Donc quel était alors le statut de sa prière et de son jeûne, c'est-à-dire dès que le sang a changé. Donc la réponse c'est que la femme qui a, donc les femmes qui ont le menstrue, lorsque le sang dépasse les 40 jours et qu'il n'a pas changé, parce qu'il y a une différence entre le mauvais sang Hein, le dem, c'est-à-dire le sang des menstrues, est ce qu'on appelle donc le dem el fasid. Le sang des menstrues, il est plus noir, il est plus épais, et il est plus odorant. Et là, il y a les trois différences. Les trois différences, elles sont là. Par rapport à la couleur, par rapport à l'épaisseur et par rapport à l'odeur. Si, donc, l'odeur plus forte, c'est plus épais, c'est plus foncé. Tandis que le sang, le mauvais sang, ce qu'on appelle dem fasid, c'est un nettoyage hein, qui vient après les menstrues, il est donc plus liquide, il est plus clair et il est moins odorant. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les trois, entre les deux types de sang. Et ici, donc, maintenant, elle voit ça, et elle voit donc, bien sûr, par rapport à cela, dans certains, donc, ils vont voir que c'est donc, le mustahabda. Donc, en vérité, ici, donc, elle va prier. Hein? Donc, elle va, bien sûr, elle va donc, après les 40 jours, elle va prier. Même si certains ulamas ont dit jusqu'à 60. Mais en général, c'est la grande majorité qui disent à Kulhel les 40. C'est les 40 qui sont authentiques par rapport à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle devra prier. Elle devra prier. Même si elle avait vu en vérité, donc, avant cela, hein, normalement, donc, normalement, si le sang a changé, elle est considérée comme mustahabda. Si le sang a changé de couleur et tout, avant les 40 jours, donc c'est mustahada, donc c'est plus la même chose, c'est plus haïd, yani. C'est en vérité dam el fasid. C'est ce qui vient après. Et là, normalement, elle doit commencer à prier et jeûner. Elle doit commencer à prier et jeûner, donc même si en vérité c'était au 37e jour et que ça continue 3 jours, par exemple, jusqu'au 40, ou même plus. Et le moment, dès qu'elle voit en vérité la différence, elle va reconnaître la différence par rapport à l'odeur, par rapport à la couleur et par rapport aussi, donc, au liquide lui-même, au fluide lui-même, il sera en vérité plus épais. Les alikas, il y a au niveau du sang aussi, c'est le sang qui sort avant que la femme accouche, lorsque la femme accouche. Est-ce que lorsque le sang sort avant l'accouchement, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Donc, le Mahmoudi, rahmallah, in al-hamil, la tahid. Certes, la femme enceinte, elle n'a pas de menstrues. Elle n'a pas de règles. Certes, la femme enceinte, elle n'a pas de règles. Et c'était connu chez les femmes que, donc, justement, que c'est connu chez les femmes que lorsque vient la grossesse, il n'y a plus de règles. La grossesse, justement, vient en vérité arrêter les règles. En général, la femme enceinte, elle n'a pas de. Hein, ça, c'est ça. La femme enceinte n'a pas de menstrues. El-Haid, donc, bien sûr, on sait que c'est ce que c'est. Donc, c'est justement. Donc, ils disent qu'à partir du moment qu'il y a ça, donc, c'est pas du Haid. Mais certaines femmes, donc, ça arrive que des fois, le Haid continue. C'est rare, c'est des cas rares. Alors, malgré qu'elle est enceinte, elle aura quand même des menstrues. Même si c'est pas toujours. Donc, c'est que ça sera pas toujours, on va être réglé. Et aussi ici, donc, elle va quoi? Donc si en vérité, dès qu'on voit, hein, donc par rapport à Dem, elle a dit Yahruj min al-hamil, il a saqatat al-janin. Il a asqatat al-janin. Par exemple, elle a fait tomber donc, l'enfant. Le sang est tombé et l'enfant il est mort. Il est mort, il est tombé. Il est sorti. Hein, al-janin, donc asqatat al-janin. Parce que c'est ça, al-janin, il est encore petit. Donc bien sûr, à ce moment-là, le fait que donc, ça sera, dès que le fait que l'enfant est tombé, on considère cette situation-là donc comme quoi, comme nifes. Elle est rentrée donc dans nifes, même s'il n'est pas né, même s'il est mort-né. C'est du nifes, donc c'est clair qu'elle ne va pas jeûner et qu'elle ne va pas prier. Et si elle le ferait, donc en vérité, ni sa prière ni son jeûne seront acceptés. Et ça, il faut apparemment qu'il faut qu'on voit qu'il y a un corps formé. Et si on ne voit pas qu'il y a un corps formé, en ce moment-là, ce n'est pas un djanin. Imaginez quand son corps moudra. C'est avant. On sait que ça, en général, dans les 4 mois. Avant les 4 mois, hein, c'est-à-dire avant le moment où on voit qu'il y a un corps, et bien à ce moment-là, ça ne considère pas ça comme... il n'a pas été encore créé, il n'a pas été façonné, donc c'est pas, il n'est pas considéré comme une scène. Donc, à ce moment-là, elle va quoi? Elle va prier et elle va jeûner. Elle va prier, elle va jeûner. Imaginez une femme qui fait donc le curetage, par exemple, hein, des fois au bout de 2 mois ou quoi, elle n'est pas considérée comme une nafi, ça, elle va jeûner. Elle devra jeûner. Donc c'est toujours par rapport au même genre de questions. Des fois il y a plusieurs questions qui se répètent à peu près. Donc aussi une femme qui avait donc ses louchis, elle a été purifiée au bout d'une semaine. Donc une semaine après la naissance, elle est en état de pureté. Elle a jeûné donc avec les musulmans. Elle a jeûné avec les musulmans. Là vous voyez, on a affaire justement à un cas où une femme qui connaît le hukm shar'i, elle a jeûné au bout de 7 jours. C'est-à-dire elle a commencé à prier et jeûner. C'est pas comme ceux qui pensent qu'il faut, c'est interdit pendant les 40 jours. On ne voit pas comment Allah va interdire quelque chose alors que la personne est en état de pureté. C'est pas possible ça. Donc, elle va jeûner avec les musulmans pendant le mois du ramadan, les jeûnes, donc des jours bien précis, puis le sang est revenu. Est-ce qu'elle doit faire l'iftar ou jeûner? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, si elle est pendant l'ifest, pendant les 4 jours, donc, après, donc, le sang s'est arrêté, après il est revenu pendant les 40 jours, donc, c'est clair que le moment où elle a jeûné, son jeûne, il est valable, il est accepté. Hein, donc son jeûne avait été accepté. Et si le sang revient, le fait qu'elle n'est pas sortie encore des 40 jours, elle reprend donc justement donc elle reprit. Parce que c'est le sang du nifas, il s'est arrêté à un moment donné, il est revenu. Ça aussi, ça arrive chez les cas de figure. Mais le fait qu'elle est en moment d'impureté, ce qu'elle a fait comme prière et comme jeûne, c'est accepté. C'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ça revient, eh ben, elle recommence. À quoi? À ne pas prier et à ne pas jeûner. Elle fait qu'elle fait, donc elle mange. Et si elle a terminé les 40 jours, bien sûr, comme on l'a dit, il est obligatoire pour elle, même si le sang continue, de se laver et de prier, quoi qu'il en soit. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Donc demain inchallah on parlera aussi de la femme enceinte, comment elle doit faire, et la femme qui allait. Donc là on a vu les louchis et les menstrues, et demain inchallah ça sera par rapport à la grossesse et par rapport à l'allaitement. بارك الله فيكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.